Dans une minute, il franchira Buenos Aires, et Rivière, qui reprend sa lutte, veut l'entendre. L'entendre naître, gronder et s'évanouir, comme le pas formidable d'une armée en marche dans les étoiles. Rivière, les bras croisés, passe parmi les secrétaires. Devant une fenêtre, il s'arrête, écoute et songe. S'il avait suspendu un seul départ, la cause des vols de nuit était perdue. Mais, devançant les faibles, qui demain le désavoueront, Rivière, dans la nuit, a lâché cet autre équipage. Victoire, défaite, ces mots n'ont point de sens. La vie est au-dessous de ces images et déjà prépare de nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille un autre. La défaite qu'a subie Rivière est peut-être un engagement qui rapproche la vraie victoire. L'événement en marche compte seul. Dans 5 minutes, les postes de TSF auront alerté les escales. Sur 15 000 kilomètres, le frémissement de la vie aura résolu tous les problèmes. Déjà, un chant d'orgue monte. L'avion. Et Rivière, à Palan, retourne à son travail parmi les secrétaires que courbe son regard dur. Rivière le grand, Rivière le victorieux, qui porte sa lourde victoire.